Les billes de verre que vous apercevez à l'intérieur de la boîte de pétri sont couramment utilisées dans les laboratoires pour des processus de distillation, mais elles servent aussi au marquage des routes en tant que petits réflecteurs. Dans le cadre du processus Ferment Lab, nous nous en sommes servis comme de lentilles pour notre microscope DIY.